était une fois dans les années 70 une bande de babas qui roulait dans les prairies à bord d'un minivan nommé The Mystery Machine. Et en plus de ça, il trimballe un chien gentil. Quand y'a du grabuge, c'est qui que l'on appelle? Scooby, Scooby, Scooby, Scooby-Doo. T'as peur de rien dans la vie quand on te donne des crocs Scooby. Scooby, Scooby, Scooby, Scooby-Doo. Quand tu cours avec Samy, c'est pour bouffer ou pour fuir. Scooby, Scooby, Scooby-Doo, where are you? Yeah, yeah, yeah. Vera c'est une geek, Daphné elle sert à rien, Fred est un petit peu neuneux et Samy est un gros goinf. Mais c'est tes potes et faut bien dire qu'ils t'aiment bien et que c'est un peu grâce à eux que t'es coincé dans ce train. Quand y'a du grabuge, c'est qui que l'on appelle? Scooby, Scooby, Scooby, Scooby-Doo. T'as peur de rien dans la vie quand on te donne des crocs Scooby. Scooby, Scooby, Scooby, Scooby-Doo. Quand tu cours avec Samy, bouffer ou pour fuir. Où es-tu? Où tu te caches? Es-tu ici ou bien là? Y'a un mec en costume d'Halloween, faut l'arrêter sinon c'est pas la win. Scooby, Scooby, Scooby-Doo, where are Scooby, Scooby, Scooby-Doo, where are Scooby, Scooby, Scooby-Doo, where are you? Over here.